Voici votre bulletin régional. C'est le 5 mai à 13h que le club FADOC Les Bons Amis de Dodwell tient son assemblée générale annuelle. Ça a lieu au local du club FADOC Les Bons Amis à Bishopton. Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, Virage Santé Mentale vous invite le 5 mai à 18h30 au témoignage de vie d'une personne atteinte de maladie mentale et musique avec Patrick Laramée, auteur-compositeur-interprète. Ça se déroule au 37 rue Ingus Nord, East Ingus. Et c'est gratuit. Curtage du réseau d'aqueduc de Skustan, les 5 et 6 mai, à compter de 18h30. Souper du 30e anniversaire de fondation du chaînon d'amitié de East Ingus, le 6 mai, à la salle des Chevaliers de Colomb. Coût, 12$ par personne. Réservation auprès de Pierrette Tremblay, 819-832-1636. Demande de soumission par la paroisse Saint-Joseph-des-Monts de Skustan pour la tonte des gazons pour l'été 2015. On devra soumettre deux soumissions. Une pour l'église et le presbytère, et une autre pour le cimetière. Les soumissionnaires doivent fournir tout l'équipement nécessaire. Il est à noter qu'avant de soumissionner pour le cimetière, les intéressés doivent contacter Yvan Poirier au 819-657-4734 pour plus de détails et la visite des lieux. Ouverture des soumissions le 6 mai à la paroisse Saint-Joseph-des-Monts, 53 rue de Dayton, Skustan, J0B3B0.